France Culture, Christine Bernard. Une histoire particulière. TGV, TER, Transilien, Intercité, la SNCF transporte plus de 2 milliards de voyageurs chaque année. La répartition de la fréquentation est cependant très inégale selon les départements. Ainsi, en 2015, si près de 740 millions de personnes ont emprunté le train à Paris, il y en a eu à peine 6 000 en Ardèche. Et puis, il y a aussi des haltes ferroviaires sans personnel, sans guichet automatique, constituées d'abris extérieurs, qui parfois ne sont même pas desservies par d'autres transports en commun. Ainsi, Ur-les-Escaldes, dans les Pyrénées-Orientales, a accueilli 2 voyageurs en 2015 et Méré, en Haute-Marne, n'en a accueilli qu'un seul. Mais il y a aussi les gares sans passagers. Cette semaine, pour notre collection d'histoires de lieux, Olivier Chaumel et François Test vous emmènent un peu loin, près de la frontière espagnole, Canfranc, 30 minutes d'arrêt. On est tout de suite saisi par cette vue de Canfranc et les spectateurs, je dirais les voyageurs même qui passeraient par hasard sont systématiquement, enfin, je pense, interrogés, interloqués par ce paysage et ont envie de s'arrêter, quoi qu'il en soit. Même si on ne connaît pas la gare de Canfranc, on a juste souvent eu des témoignages de gens qui la découvrent par hasard en quelque sorte et qui sont toujours saisis, je veux dire, oui, ils sont saisis. Canfranc, gare internationale d'altitude. Aujourd'hui, il faut passer les Pyrénées. Olivier Chaumel, François Test. Ce qui surprend, c'est la taille de l'emprise, hein. L'emprise qui fait déjà plus de 1,2 km de long. On ne s'attend pas dans ce paysage, qu'il ne faut pas l'oublier, on est dans une zone de haute montagne encore, on vient de dévaler un col, on est dans des espaces qui sont peu habités, pour ne pas dire pas du tout habités. Hein. À l'origine, sur le site de Los Arañones, au départ, on n'a pas d'habitation. Le premier bourg de Canfranc, d'ailleurs, le Canfranc village, est situé à 3-4 km en aval. Donc ici, à l'origine, on n'a que ce torrent d'Aragon, des paysage totalement sauvage. On est vraiment dans la vision de la haute montagne grandiose. Ce paysage industriel, on n'attend pas à le voir dans des paysages aussi sauvages. L'hydrographie du Béarn est assez simple. Comme les grands fleuves de Sibérie, les Gaves coulent vers le nord. Mais ils bifurquent avant d'atteindre l'océan Arctique. Pour se livrer à une mathématique très locale, Gave d'Ossau plus Gave d'Aspe égale Gave d'Oloron, plus Gave de Pau égale Gave réunie. Nous nous préoccupons principalement du cours du Gave d'Aspe, qui finit à Oloron-Sainte-Marie et commence près du col du Somport, à la frontière espagnole, au-delà de laquelle coule le rio Argonne, vers le sud. L'eau s'écoule sans peine de part et d'autre des Pyrénées, son poids suffit. Mais gravir la montagne en chemin de fer est une autre affaire. De plus, la pente s'accentue à mesure qu'on se rapproche des sources. La seule solution à partir d'une certaine altitude est de faire un trou sous la montagne pour y faire rouler le train. Même si ce projet est très audacieux, on sait comment le mener à bien. C'est même une obsession de creuser la montagne à une certaine époque. Régine Péau-Gerbet. Sous le Second Empire, le train apparaît comme la nouveauté technique, comme le transport d'avenir, évidemment, et la panacée peut-être de tous les maux, AUX, économique. Il y aura plusieurs projets, au moins 3. Alors il y en aura 12. En Béarn, un projet qui nous intéresse, c'est bien sûr le tracé ferroviaire de la vallée d'Aspe qui va emprunter le col du Somport. Et c'est la ville d'Oloron, la première, qui en 1853 va émettre le vœu de faciliter cette création d'une ligne, alors que la route n'arrive pas encore au col du Somport. Au même moment, les Aragonais vont formuler exactement la même demande. Tout le monde est d'accord, dès le début. Ah oui, tout le monde est d'accord. En 1885, une convention internationale prévoit la construction de 2 lignes, la ligne du Somport et la ligne de Saint-Girons-Lérida en Ariège. Mais cette convention ne sera pas promulguée par la France et il va falloir attendre, tout au moins côté français, que le jeune député Louis Barthou reprenne ce projet, le porte véritablement. Député des Basses-Pyrénées. Il devient député des Basses-Pyrénées, puis très très vite ministre des Travaux publics. Il obtient, et non sans mal, hein, en 1897, le décret d'utilité publique pour la ligne Oloron-Bedous, mais il n'obtient les crédits qu'en 1902, et les travaux vont commencer sur cette ligne à partir de 1902, et se termineront en 1914, le 21 avril, on inaugure la gare de Bedous. Et en 1928 a lieu l'inauguration de cette ligne. Donc si on regarde entre le projet initial qui a été émis en 1853 et la réalisation effective en 1928, il se passe bien 75 ans. L'idée, c'est de passer par la voie ferrée. On va monter sur l'emprise et on va essayer de remonter jusqu'à l'entrée du tunnel international. L'accès est censé être interdit, mais c'est pas très compliqué. Non, c'est vraiment pas compliqué. Bon, là, les caméras nous ont repérés, c'est évident, hein. Mais bon, c'est pas grave. Donc, une entrée monumentale avec les écussons français et espagnols sous le lierre. Une petite allure gothique de forteresse. Un peu médiévale. Vous me montriez quelque chose ? Je vous montrerai la date, 1913. Même pendant la guerre 14-18, même pendant le conflit, eh bien, les travaux ont continué. Et la ligne a été prête au lendemain de la Première Guerre mondiale. Et là, on a attendu 10 ans avant de l'inaugurer. C'est un événement quand même national. C'est à la une de tous les journaux. C'est à la une de tous les journaux. 18 juillet 1928. Et alors, on chante le prodige de cette ligne, vous vous rendez compte, on vainc la nature. C'est le triomphe du progrès. C'est le progrès au sens saint-simonien du mot, c'est-à-dire relier les hommes qui sont épars grâce à des moyens de communication modernes et efficaces. C'est Jules Verne, quelque part, hein, c'est cette épopée des chemins de fer. C'est une continuation de ce qu'on pense au 19e siècle. Exactement, sauf que ça arrive un peu tard. Dès 1908, le tunnel du Somport, les travaux vont commencer. L'entreprise va s'installer aux Forges d'Abel. Il va devoir tout créer d'ailleurs. Donc elle va créer un barrage, elle va créer des conduites forcées, elle va créer une usine réceptrice, une usine génératrice pour pouvoir alimenter en électricité eh bien, toutes les installations qui vont servir au fourrage et à tous les ateliers. Et elle va embaucher quasiment 900 ouvriers pour débuter ce fourrage. Alors on travaille en 3-8, c'est-à-dire qu'il y a en permanence 300 ouvriers qui forent la galerie pendant 8 heures de temps. Alors, il va y avoir quelques aspois qui vont travailler sur cette ligne, mais à 90%, ces chantiers vont occuper tout simplement des Espagnols, des Aragonais, dans des conditions très très pénibles, puisque ces ouvriers sont quand même... Alors, ils n'ont pas de tenue de sécurité, hein, ils sont la plupart du temps en espadrilles d'ailleurs, comme les mineurs, hein, et ils vont donc être exposés, imaginez, aux poussières, aux gaz émanant des explosifs, aux éboulements, au bruit permanent, à la chaleur. Donc vous voyez des conditions quand même particulièrement extrêmes pour et ces non seulement ces sur le chantier, mais dans la vie de tous les jours, parce que les conditions de logement sont extrêmement précaires. En gros, rien n'est prévu. Les entrepreneurs français vont quand même construire des baraques en bois. Mais en tout cas, elles s'avèrent tout de suite insuffisantes. Alors que vont faire les Espagnols ? Alors, les Espagnols, en arrivant aux Forges d'Abel, vont tout simplement construire de briques de broc leur chabolas. Alors ils les appellent des chabolas, on traduirait ça par des bidonvilles, si vous voulez, des toulis, hein, en quelque sorte. Les conditions de travail sont difficiles, mais les conditions de logement et de vie en général le sont tout autant. Se trouve-t-on, Alain Cazenave-Pierrot ? Là, on se trouve à la bouchée nord, c'est-à-dire à l'entrée supérieure du tunnel hélicoïdal. Et chaque tunnel dans la vallée a un nom. Là, c'est le tunnel de Sayers. Donc, c'est une des particularités de la ligne. Un tunnel en escargot qui va permettre, en faisant une boucle que nous allons parcourir, moyennant des courbes d'un rayon inférieur à 300 mètres, qui va permettre de gagner 60 mètres de dénivelé. On se demandait si jamais dans ce tunnel qui fait un peu moins de 2 km, je crois. Exactement. Ouais. Si jamais on rencontre un ours qui aurait décidé de se reposer un peu avant la fin de l'hibernation, on fait quoi? Un ours, je ne sais pas. J'ai pas de réponse. Ce qu'on risque de rencontrer, par contre, ce sont des vaches. Et vous avez noté, là, l'entrée du tunnel, qui est couvert de bouse, que celles-ci ont très bien compris que le tunnel était désaffecté depuis longtemps et qu'elles pouvaient s'y réfugier en cas de mauvais temps. Donc, vous voyez le tunnel. On le voit dans la lueur, dans le halo de nos lampes. Il amorce son virage vers la droite. Et on le sent à peine. Ah, on le voit à peine. On le voit à peine. Et côté espagnol, nous avons la même chose entre Jaca et Canfranc, avec un viaduc hélicoïdal que les Espagnols appellent El Caracol, l'escargot. C'est le viaduc de Senorme qui permet lui aussi de gagner quelques dizaines de mètres. Mais c'est un viaduc en plein air et qui est spectaculaire lorsque les trains y passent dessus. Évidemment que, vu les travaux engagés, la rentabilité, c'est un peu une abstraction dans un cas pareil. Parce que il s'agit de passer de 200 mètres d'altitude à Oloron à 1200 au tunnel. Et ça se fait au prix d'innombrables viaducs et tunnels. Enfin, c'est un travail de bagnard. Oui, mais attention, le projet, en fait, il est sauvé. Pourquoi il est sauvé en 1904? Parce qu'on a recours à la traction électrique. On n'est plus avec l'énergie à vapeur. Et c'est bien ça qui va permettre, si vous voulez, de réduire de moitié les coûts d'infrastructure. C'est-à-dire qu'il faudra deux fois moins de tunnels, deux fois moins de viaducs, etc. Parce qu'on peut se permettre de passer des rampes à la pente plus forte. Exactement. Et on va avoir sur cette portion, entre Etzot et les Forges d'Abel, on va avoir une surabondance aussi d'ouvrages d'art et d'ouvrages d'envergure. Puisqu'on a, sur la section Bedouze-Canfranc, 32 km de voie, donc c'est une voie unique, 16 tunnels, 4 viaducs d'importance, et parmi ces 16 tunnels, nous avons un tunnel hélicoïdal et le tunnel international du Somport qui relie donc la France à l'Espagne. Alors à ne pas confondre, parce que souvent il y a effectivement une confusion entre ces deux tunnels. Le tunnel hélicoïdal est un tunnel qui se trouve entre Urdos et les Forges d'Abel, si on peut dire. Est-ce que ça vous est arrivé d'aller, disons, de Pau à Canfranc, en train, Alain Cazenave-Pierrot, ou est-ce que vous êtes arrivé dans le secteur trop tard? Ah non, c'est un demi-souvenir d'enfance et d'adolescence. D'abord, enfance, fils de cheminot, je suis allé en colonie de vacances aux Forges d'Abel. On part de Pau avec, vous savez, à chaque gare, l'altitude du rail. Et déception, parce qu'après être monté à Haut-de-Gand, hop, on redescend à Oloron. Les gens ne savaient pas qu'on redescendait un petit peu. Et puis alors après, la montée. Et pour nous, c'était un exploit. Imaginez-vous le train d'avant, fenêtre ouverte. Donc même dans les tunnels, on gardait les fenêtres ouvertes avec ces gouttes de pluie que vous entendez là, d'eau, pardon, petit ploc qui nous tombait dessus. Le crissement du pantographe sur la caténaire, zim, zim, zim. Et puis le bruit du train dans les tunnels, et puis on montait, découvrait cette région. Et vous êtes allé jusqu'à franchir le tunnel international, jusqu'à Canfranc? Je l'ai fait une fois. Je l'ai fait une fois et je m'en souviens bien. Donc on arrivait, alors, c'était l'Espagne franquiste. Donc je l'ai fait une fois au début des années 60. Mais il y avait encore la Guardia Civile, la police, et puis déambuler dans cette immense gare de Canfranc, complètement surdimensionnée. Voilà. Jonathan Dias, où sommes-nous ? Alors nous sommes devant la gare de Canfranc, un bâtiment spectaculaire avec 365 ouvertures, paraît-il. Moi, je ne les ai jamais comptées. Et c'est un bâtiment qui a été implanté côté espagnol avec l'accord des deux pays, mais qui est aussi, on va dire, en partie territoire français, puisque nous avons une partie de cette gare qui est française, c'est celle qui se trouve côté est. Ici, nous sommes sur les voies côté espagnol. Et donc, tout se faisait par un échange, soit au travers de la gare, soit au travers des hangars, puisque l'écartement ferroviaire n'est pas le même entre les deux pays. Cette gare, elle est assez exceptionnelle. Alors, ça tient à deux facteurs. D'une part, elle est perdue au milieu de la montagne. C'est une implantation quand même très particulière. Nous sommes quasiment à 1200 mètres d'altitude. Et elle est plantée au milieu de nulle part. C'est-à-dire que la première ville importante, c'est Saragosse, à plus de 150 km. Côté français, l'autre ville, c'est Pau. On est déjà à plus de 90 km. Et elle va être implantée sur un site qu'on va complètement aménager. Qu'est-ce qu'il y avait avant ? Alors avant, c'était un petit hameau du village de Canfranc qui se situait en dessous, 4 km en dessous. Donc on était, il y avait quasiment rien. C'était le lieu dit Los Arañones, qui veut dire en espagnol des plantations de pruneliers. Il n'y avait rien, donc il a fallu sur ce site tout créer. Donc une plateforme de 18 hectares. Il a fallu aménager, dévier le rio Aragon. Et il a fallu construire de part et d'autre sur les versants environnants jusqu'à 450 hectares de plantations de résineux pour se protéger des éboulis et des avalanches. Donc on va façonner complètement un site et implanter une gare, alors aux emprises gigantesques. Maryse Bonnat, vous êtes guide conférencière à l'Office du tourisme de Canfranc, qui est en face de cette immense gare. C'est étonnant comme la gare elle-même ressemble à un train un peu. Oui, c'est ça. C'est une gare différente de toutes les gares connues jusqu'à les moments. Par sa taille surtout. Ouais, c'est pour ça. Et surtout parce que c'est conçu comme une douane, vraiment, comme une ambassade française maintenant. Pour le train. Ouais. Normalement, tous les services étaient doublés. Ouais. Et au premier étage était un grand hôtel international. Et aussi au troisième étage, il y a des habitations et des chambres pour les fonctionnaires qui étaient les cheminots. Qui travaillaient ici à la gare. Et au centre ? Et le centre était les baies civiles, la liaison entre les deux pays. Les voyageurs arrivaient au quai espagnol et traversaient le voie. Par en dessous ? Ouais. Et arrivaient aux baies civiles et on prenait le train jusqu'à la France. Donc de l'autre côté ? Oui, de l'autre côté. Surprenant surtout la longueur. Il paraît que c'est la deuxième plus grande gare d'Europe, ouais. Après Leipzig, ouais. En Allemagne. On va entrer. Oui. Est-ce que vous pouvez tenter, Pascal Desmichel, de faire une description minutieuse de ce bâtiment gigantesque, de cette gare qui est un peu comme un vaisseau fantôme dans la montagne. Ce bâtiment, il fait 241 mètres de long, Ce qui va aussi surprendre tout de suite le spectateur, voyageur, c'est le nombre de portes. Hein. On a 75 portes d'affilée comme ça, le long d'un bâtiment, on a l'impression qu'il n'en finit pas. Trois étages, une architecture qui est très inspirée par l'architecture française en particulier, avec ses toitures mansardées, notamment le troisième étage avec ses lucarnes comme ça. C'est l'architecture un peu néoclassique, un peu éclectique, hein, qui est très période entre deux guerres. Hein. On peut rappeler que cette guerre elle a été achevée en 1928. On va retrouver des éléments architecturaux comme le stuc, hein, qui est très employé dans l'entre-deux-guerres. On va retrouver le béton, hein, ce qui est aussi très caractéristique de l'architecture. Je pense aussi à la gare de Limoges. L'emploi du béton est très utilisé à partir du début du XXe siècle. On a cette carcasse de béton, on le voit sur les plans d'architectes, qui est très impressionnante à Canfranc. Bon, on va faire comme les voyageurs du XXe siècle et on va passer par les souterrains. D'accord. Sí, te oigo, dime. Ah, que estás aquí, ¿dónde estáis? ¿Dentro? Sí, estamos dentro. Vale. Sí. Bon, ça a été le passage souterrain où normalement les voyageurs qui avaient de billets pour les trains et ont descendu jusqu'à Bessiville. Ça a été avec des matériaux magnifiques, marbre, oui. Fer. Et ça, je ne sais pas et comment dire en français, parce que... C'est du carrelage, un peu comme carrelage, dans le métro parisien. Ouais, ouais, dans le métro parisien, mais aussi on a commencé au métro de New York en 1904. Ici, justement, sont les voies de quai espagnol. Et on arrive au vestibule. La décoration est la même de 1928, c'est-à-dire quand la gare a été inaugurée. Wow. Évidemment, il a eu une bonne réhabilitation. On peut décrire ce vaisseau, ouais. Avec un plafond, une charpente en, ouais. En bois, une hauteur d'une douzaine de mètres. Ouais, à peu près, ouais, ouais, c'est ça. Et ici, les armoiries de la République française. Ouais. Et ici, là-bas, du Royaume d'Espagne. Ouais, exactement, c'est de Alphonse XIII. Roi d'Espagne, ouais. Lors de l'inauguration. Ouais. Ouais, ouais, c'est ça. Ces boiseries, ce sont des guichets pour acheter des tickets de train. Ouais, c'était pour change de monnaie. Et tous les deux, c'était la douane. Douane française et douane espagnole. Mais c'est bien symétrique. Ouais, ouais, ouais. Et vous voyez la montagne à nous. Il reste un peu de neige. Ouais. Ça, c'est peut-être aussi le charme de la gare de Canfranc, Jonathan Dias, c'est du matériel entreposé qui se dégrade doucement. Il y a un train de 3 ou 4 wagons qui rouille, qu'on oublie. C'est vrai que ces vieux wagons là, moi j'ai vu des wagons où vous aviez la chaudière dedans, vous aviez, on chauffait le wagon comme dans une maison avec un petit bigourdan, un petit poêle. Et ils chauffaient ça comme ça, quoi. Hein. Tout ça, je l'ai vu, et c'est vrai que ça me fait drôle de parler un peu comme ça, parce que j'ai l'impression d'avancer aussi en âge, hein, peut-être. Ce site, moi je m'y suis promené en toute liberté, c'était désaffecté, on pouvait monter dans des vieux wagons, dans des vieux trains, visiter la gare, marcher sur les planchers, il y avait encore des armoires où il y avait des vêtements, des vieux ustensiles, c'était une espèce de, on va dire, de Tchernobyl, quoi. On avait l'impression que les gens avaient quitté ça, abandon du navire, quoi. Et on voyait les mouvements de vie qui étaient restés figés, là, à une époque, les vieilles tables, les vieux matelas ressorts, tout ça, je l'ai vu. Et effectivement, bon, aujourd'hui, bon, tout ça, ça a été vidé pour réformer la gare, hein. Mais ça a été une drôle d'époque, quoi. Ça, c'est une vraie promenade pour les passer. Et alors, ça a été les petites fenêtres des chambres. On est sous la charpente. Ouais. Et ici, ça, c'est une promenade qui va de sud à nord. Ça s'appelle promenade mélancolique. À la lisière de la forêt. Ah ouais, ouais. Et pourquoi promenade mélancolique? Pour les malades des poumons et surtout pour les maladies qui avaient dépression. Et on venait ici faire les promenades. Et normalement, on disait que ces personnes qui avaient dépression, avant, on disait qu'ils étaient mélancoliques. Oui. Alors, c'est pour ça les promenades mélancoliques. C'est avant la Deuxième Guerre mondiale. Mais sinon, au sens courant, une grande belle gare abandonnée comme ça au milieu de la montagne, ça a quelque chose de mélancolique. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Ce qui est amusant de remarquer, c'est que quand même, elle se situe au kilomètre 666. Et effectivement, la gare de Canfranc est remplie de malheurs. La gare de Canfranc, à peine construite, elle est à moitié brûlée, décimée par un incendie. Donc, malédiction. Malédiction. Tout a été retardé. Quand il y a eu la guerre civile espagnole, on a retardé. La Première Guerre mondiale, on a retardé. Donc Canfranc arrive très tard. La gare de Canfranc, quand elle va fonctionner, elle est rattrapée par le temps, puisqu'elle est aussi conçue à voie unique une distance entre Pau et Jaca, vous imaginez, c'est pas possible. Ça fait 120 km. 120 km de voie unique, pour croiser des trains, c'est assez complexe. Il y a un défaut de conception, ou d'ambition peut-être aussi. Non, ils étaient pas. Le monde a évolué tellement vite qu'ils n'ont pas été, on va dire, visionnaires. Dans le modernisme, ils ont été visionnaires dans une certaine conception de la chose, oui. Il fallait une liaison franco-espagnole. Et à l'époque, on ne voyait que par le train, effectivement. Mais après, ben, on n'a jamais pensé que l'automobile allait dominer le monde, quoi. Il y a la gare qui est déraisonnable de Canfranc, mais c'est toute la ligne, tout le projet du Transpyrénéen occidental qui est déraisonnable, hein, puisque... déraisonnable en même temps, on a besoin de rêves et d'utopie et on a beaucoup cru dans cette construction de ce réseau. On a envisagé dans les plus beaux rêves une relation, pour tout vous dire, Paris, Limoges, Pau, Saragosse, Madrid. On a rêvé d'une grande relation intercontinentale, presque, enfin pas intercontinentale, mais si, puisqu'en fait à l'origine, il faut savoir que le projet était également de rallier à l'Afrique. C'était une grande liaison ferroviaire qui devait rallier Paris à Carthagène, voyez, comme ça, à travers les Pyrénées. Pour desservir l'Afrique du Nord ensuite. Exactement, pour desservir l'Afrique du Nord. Donc, il y avait de très fortes espérances. Et puis, il ne faut pas oublier que dans un bâtiment, dans le contexte de l'Espagne, l'Espagne avait besoin de montrer qu'elle était un grand pays moderne dans cette Europe. Et on sent qu'à travers le bâtiment de Canfranc, la symbolique, c'est de dire, vous entrez en Espagne et on est dans un pays ambitieux et moderne. C'était Canfranc, gare internationale d'altitude, avec Pascal Desmichel, Régine Péot-Gerbet, Alain Cazenave-Piarot, Jonathan Dias, Maryse Bonnat. Bibliographie et liens sur franceculture.fr. Il faut passer les Pyrénées. Une histoire particulière, François Test, Olivier Chaumel.